Programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Ce soir, on a encore plein de bonnes choses et on commence avec Tiger Moth Tales. C'est un projet britannique, celui du multi-instrumentiste Peter Jones. C'est son 7e album sous ce nom. Et puis, Peter Jones est aussi claviériste pour Camel. Et donc, ce n'est pas une surprise si on retrouve M. Andy Latimer sur ce 7e album comme invité. Et puis, on aura par la suite de Norvège, Cornmo, un groupe qui est formé d'anciens musiciens de Morild, puis le claviériste œuvre aussi au sein de Adventure. Et puis, finalement, c'est une réédition d'un premier album paru en 2017 sous le titre de Spartisan. Et puis, Marc, on parle de Adventure. Je pense que justement, on a une nouveauté aussi pour Adventure. Oui, en effet, la formation Adventure, qui sont de la Norvège, viennent de faire paraître leur 5e album, Tales of Bell, Part 1, Across the Ocean. En fait, c'est l'histoire d'une Norvégienne qui est née en 1859 et... elle a émigré aux États-Unis pour se retrouver à Chicago et devenir une des pires tueuses en série. Alors, donc c'est la partie 1, c'est la partie où il y a sa vie en Norvège et la traversée de cet album qui a été masterisé par Jacob Holm Lupo de Opium Cartel. On vous avait présenté des extraits de New Horizon, leur précédent album de 2019, là, il y a quelques années. Alors donc... de la formation Adventure, Tales of Bell, on aura la pièce Courting, First Marriage. Et on aura également la formation de Toronto, Art Griffin's Sound Chaser. Alors, il y a sur ça le batteur Steve Negus, qui a joué dans Saga. Également, deux musiciens qui jouent dans Monarch Trail, qui sont sur ça. Alors, de l'album, le nouvel album qui est paru il y a deux semaines, The Seven Ages of Twilight, on aura la pièce Chasing Sound, mais comme le disait Michel, on va débuter avec la formation Tiger Moth Tales, mais il y a aussi, je voulais vous parler, à partir de 22h30, on a un spécial avec la formation Odessa, avec comme invité le claviériste Lorenzo Giavognoli. Alors, c'est à ne pas manquer à 22h30 pour un spécial d'une heure avec la formation Odessa. Alors, on y va tout de suite avec Tiger Moth Tales. We'll be right back.

sister at first, still working hard with money immersed, learning English enough to get by. She took her time before she did fly. After 4 years in town, she found her man, set up a home for the growing clan. They set up a neighborhood store. After a year, a place made it grow. One of their children didn't live long. Nothing rare, but suspicions were strong. They got paid out. Was it all her master plan? CKRL 89.1. Séparés du monde, unis par les ondes. Ma TV et CKRL qui s'unissent pour parler de culture, quoi de plus beau, sincèrement. Ma TV, 9 Helix, chaîne exclusive Vidéotron, et CKRL, un binôme, un tandem au service des arts et de la culture de Québec. Ma TV et CKRL, parce que la culture, c'est notre réalité. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. De retour à Terra Incognita, tel que Marc l'a annoncé, bien c'est le temps de vous présenter notre spécial une heure sur la formation italienne Odessa, formée en 1998, un premier album en 1999, Stazione Getsemani. 10 ans plus tard, The Final Day, et tout récemment, 2022, L'Alba de la Civiltà, un excellent album. Je cède donc la parole à Lorenzo Giovagnoli, claviériste et chanteur de Odessa. Hi Terra Incognita, hi everyone. I'm Lorenzo Giovagnoli, a keyboardist and singer in the Italian prog band Odessa. What you're gonna hear right now is a song taken from our very first album, Stazione Getsemani, and it's the last track of the CD, actually the least known and the least played by the band itself. I hope you like it. It's called Orizzonte Anima. The Stazione Jazz Ceremony album was recorded back in 1999, and 10 years later came Final Day, Il Giorno del Giudizio, Judgment Day. From that album, you are going to hear two songs. One, which is actually my favorite, is called Viene la Sera. It starts like a ballad, but it's got some tempo changes in between. A very articulate piece of music, and I hope you like it, as I do. The other one is called Compra, a very up-tempo song with Hammond organ and symphonic passages, and a text which is a criticism of modern society and media manipulation. Scende per strada, respira e si calma un po', resta a guardare la quotidianità, il giorno che se ne va. Viene la sera, I'm gusto. You're going to hear two more songs of the same Final Day album. The first one will be the title track, The Final Day. It's a rock song with lyrics in English, so hopefully you can understand and follow the lyrics. It's a very articulated piece of music, dramaturgically speaking. There are many changes, and even if the mood is rock, and there's a peculiar distorted bass introduction. The following one is the only instrumental track of the whole album. It's called Senza Fiato, Breathless. And the main theme is very tricky, and it's got continuous tempo changes between 7/8 and 4/4. And there's a middle section with a funky mood and a very quick unison between keyboards and guitar by Giulio Vamp. I hope you like the songs. Of course, I have to mention the players. There's me on keyboards and voice, Lorenzo Giovagnoli. Then Giulio Vamp on guitars, Valerio De Angelis bass, and Marco Fabri drums. Yeah. Thank you. d'avoir répondu à l'appel. Allô, allô, c'est Georgette. Vous écoutez Ma Chanson, en diffusion sur CKRL. Mais donnez-moi de l'espoir, dis-moi qu'un jour je vais revivre un pareil amour. Avec le tout nouvel EP Gaslighting, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. On poursuit notre spécial sur la formation italienne Odessa, avec le claviériste et chanteur Lorenzo Giovagnoli. We are going to hear two more tracks of the Stazione Getsemani album, the first one. One is called Caronte, and it's a cover. With Stazione Getsemani, we started this tradition to include in each album one or two covers taken by the Italian progressive rock scene. And in that occasion, we took Caronte from The Trip and Alzo Muro Elettrico from Il Rovescio della Medaglia, trying to be original in our contribution. So if you know the original, you can appreciate the differences. It's an instrumental song driven by the organ. And out of curiosity, I and Odessa met Joe Vescovi, the keyboardist, the original keyboardist of The Trip. We did a concert together in a very characteristic place in the middle of the woods, and this was some years ago. Then we picked him home together, listening to our music. This was before he unfortunately died, so this song has a special meaning for me. The other song that you're going to hear is called Lotta per il Dominio. It's an almost instrumental one with a very martial spirit. I hope you like it. We'll be right back. The song that you're about to hear is called L'Alba della Civiltà, which means the dawn of civilization, and it's a brand new one. This comes with the whole album 12 years after the Final Day album. It's a home studio album. It was conceived, recorded, and produced at home in a home studio which I picked up for the occasion. The band reunited after a long time, and we have Gianluca Milanese on flute, like we did with Stazione Getsemani. The song talks about, well, actually the whole album talks about a true principle which belong to mankind and to the soul of man and to its history. And two forces, one referring to the light and one to the darkness, one evolving and the other involving the spirit, one aiming to freedom, at freedom, and the other aiming at control. And these two forces alternate in human history. I hope you like the song. Sentieri nella notte. il suo passo segna il mondo. Briciole di armonia, affidando semi al tempo. Vento di libertà, vento che rigenera, con respiro e guida chi lo seguirà. Two songs are taken from the L'Alba della Civiltà album, the latest one. The first one is a cover in our tradition. This time we chose another band from the 70s, Pooh. Well, Pooh had a very long career, 50 years long career, and they had a progressive rock, symphonic rock moment in the 70s, and we chose a song which they actually never published in that form. The song that we choose is called L'anno il posto l'ora, and it was published in 1973. But there's a very ruined document of them performing it the year before with very different arrangements and mood. So we chose that version, we restored it and we arranged it our way. So I hope you enjoy L'anno il posto l'ora by Odessa. And another peculiarity is that all of us are singing like the original band. So the first voice you'll hear is Valerios, the bass player, then Marcos, the drum player, then Julius, the guitar player, and the choirs are made by all of us, and I sing the last refrain. And I have to mention the excellent work on flute by Gianluca Milanese. And then the other song is called Invocazione. It's the second song of the album, and it's a very intense piece of music. It's got an up-tempo, even time opening, and then in the middle there's a very lyrical session which can have some Pink Floyd-ish or Ennio Morricone's influence on it, and then it evolves continuously, partially picking back the opening atmosphere. Con gli ali dell'orgoglio vola, lo riconoscerà. ritroverai, non la potrai trovare mai, non la ritroverai. Se c'è chi gli crederà, con le ali dell'orgoglio vola, lo riconoscerai, lo riconoscerai, lo riconoscerai, lo riconoscerai. Yesterday is gone, yesterday is gone, yesterday is gone. Questo mondo insano non si accorgerà di noi, ma da questa via di semi prigioni attraci ma la libertà. Stai con me, l'inverno passerà. Stai con me, è l'alba che verrà, quando il sole. Gli occhi a nuove verità. casa suonano le voci, formano armonie e cantano l'eredità di chi ha già vissuto, chi ha testimoniato, di chi non si è arreso mai. So that was it. I hope you liked our music. We are very proud of our latest album. Let me remind you the band members: Lorenzo Giovagnoli, keyboards and voice, then Giulio Vampa on guitars, Valerio De Angelis on bass, Marco Fabri on drums, Gianluca Milanese on flute. You can, if you like, you can order your CD or have a digital copy, and feel free to contact us on YouTube, Bandcamp or Facebook to give us feedback. A big, huge thank you to Terra Incognita and to Michelle for their enthusiasm and for giving us this space. Cheers to you all. CKRL 89.1 Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. À notre menu, plus de 40 variétés de pain, sandwicheries, pizza et calzone cuits au four à bois, quiche maison, soupe, salade, viennoiserie, café et dessert. La boulangerie artisanale à Boîte à pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boîteàpain.com. Les les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita. Alors, on remercie encore le musicien Lorenzo Giovagnoli pour sa participation à ce spécial sur Odessa, son groupe, cette excellente formation, devrais-je dire. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura la formation canadienne Mystery. En 2012, ils faisaient paraître leur cinquième album, The World is a Game. Ils en ont fait paraître deux autres par la suite. Mais sur celui-là, c'est le dernier sur lequel il y a Benoît David, qui était au chant, qui a rejoint après Yes. Et également, il y a Nick DeVirgilio à la batterie, et évidemment Michel Saint-Père et Antoine Fafard. Moi, c'est mon préféré de cette formation. Alors, on ira avec la pièce Pride. Mais pour débuter ce bloc, Michel, une excellente formation suédoise qui, malheureusement, n'a fait paraître qu'un seul album jusqu'à maintenant. Oui, un seul album paru en 2014, c'est Pale Feather. L'album porte le nom du groupe, Pale Feather. Et puis, c'est un trio de musiciens suédois qui sont issus de la scène métal suédoise. Un seul essai, et on le regrette parce que c'est un excellent album qu'on écoute à l'instant, donc Pale Feather.